Donc on va reprendre par le dialogue donc, avec la salle. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier vraiment pour cette communication magistrale et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, très, très profonde. On va vraiment au cœur des choses et c'est sûr que par rapport à la réflexion qu'on a amorcée là, depuis quelques mois, même depuis un peu plus d'un an, c'est pour nous, c'est tout à fait éclairant. Ça nous permet de revenir, de repenser à un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées. Et ça va certainement nous servir à aller beaucoup plus loin dans notre réflexion. Donc merci, merci beaucoup. Et donc voilà, la parole est à la salle si vous voulez poser des questions. Un petit point personnel, je pense que la plupart d'entre nous, bon, on a lu vos ouvrages, ou une partie de vos ouvrages, parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, donc on a lu au moins une partie de vos ouvrages depuis très longtemps. Moi j'avoue que j'ai commencé à vous lire, j'étais adolescent, et c'est sûr qu'à ce moment-là, il y avait quand même un petit peu, on en parlait hier soir à table, une espèce de chape de plomb sur la pensée sociale avec le marxisme. On était quand même pris dans des... même si, bon, je ne suis pas du tout non plus hostile au marxisme, mais on était pris dans des obligations de penser de telle façon, d'employer tel concept, etc. Et c'était finalement très, très, comment dire... très handicapant pour la réflexion, parce qu'on voyait bien qu'une grande partie de la réalité nous échappait. Et moi, j'ai été vraiment très touché de lire votre ouvrage quand j'étais jeune, et ensuite donc d'avoir la possibilité de vous entendre donc à deux reprises, en 2002, au colloque Identité et démocratie, et cette fois-ci, c'est vraiment très enrichissant et très, très émouvant. Donc merci beaucoup, et donc voilà, les questions. Oui. Il faut commencer. Donc, alors, je vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais pour moi c'est pareil. J'ai découvert le portrait du colonisateur, du colonisé, ça a été un grand moment dans mon cheminement. Et je pensais à la question des conditions objectives, comment on définit tout cela. Ça varie aussi. Je voudrais avoir votre sentiment, mais j'ai comme l'impression que ça varie aussi selon l'endroit où on se trouve soi-même. Alors, vous parliez par exemple du lien arabe-musulman, et c'est vrai que le pays dont vous êtes originaire, la Tunisie, la question se pose de façon assez différente, parce que vous êtes à peu près à 98-99% sunnites, musulmans. Mon cousin qui est professeur de français au lycée de Tunis me disait... Quand il leur explique en cours qu'il y a des chrétiens arabes, ses élèves le regardent avec des grands yeux, ils ont un peu de mal à... Alors, ça pose la question de... ça doit être différent de se poser la question quand on est musulman tunisien ou musulman au Liban, par exemple. On doit pas du tout avoir la même impression, quoi. Oui, on ne peut pas tout dire. J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Et vous m'y faites penser. Justement, à cause des appartenances, on a eu tendance à amalgamer à la fois l'individu, le groupe, les valeurs et tout. C'est le problème de la négritude. J'ai assez bien connu Senghor et je dis mon admiration pour l'invention du terme de négritude, évidemment, mais déjà je lui ai dit que ça me paraissait un terme trop global, qu'il fallait le faire exploser, et j'avais proposé à l'époque de l'exploser en négrité. Ce serait la manière de vivre le fait d'être noir. En négrisme, qui serait l'ensemble des valeurs du monde noir. Senghor, lui, pour lui, c'est l'ensemble des valeurs, en somme. La négritude, c'est au fond le négrisme pour lui. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des noirs qui ne partagent pas les valeurs du monde noir, comme il y a des juifs athées, comme il y a des musulmans qui ne le sont pas. Donc, il fallait... faire exploser le concept de négritude. Et à partir de là, j'ai proposé de faire exploser également le terme de judaïsme. On dit le judaïsme de quelqu'un. Et ben, je trouve que c'est un peu absurde, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants ni pratiquants. Et donc j'ai proposé le terme de judéité, qui est entré dans le dictionnaire, hein, par contre. Hein. C'est un terme qui a eu du succès, qui a eu de la chance. Maintenant, on parle souvent de judéité. Et pourquoi ? Parce que la judéité serait la manière dont un juif vit sa relation, on revient à notre triangle, ses relations au groupe, à la démographie et au système de valeurs. Mais il le vit d'une manière dynamique et changeante. Il ne le vit pas d'une manière la totalité. Il ne fait pas la totalité des faits, la totalité des croyances. Donc, j'ai donc proposé chaque fois de faire exploser l'appartenance au moins en trois sous-concepts. Alors, pour les Arabes, c'est évident. Il y a des Arabes qui sont arabes parce qu'ils appartiennent à une communauté arabe. Mais quand on lui dit est-ce que vous mangez halal, et ça les fait rigoler. Ils ne mangent pas halal, ils s'en foutent. Est-ce que vous buvez du vin? Mais oui, bien sûr, je bois du vin. Et alors que dans le Coran et dans la tradition, c'est interdit. Donc, vous voyez, il fallait faire exploser le concept d'arabité. Ça permet quoi? Ça permet effectivement d'avoir des Arabes juifs ou des Arabes chrétiens, des Arabes coptes, par exemple. Vous voyez? Si on ne fait pas ça, évidemment, l'individu est étouffé dans cette espèce d'appartenance objective, globale, totalisante. Donc, vous avez raison, là, j'ai oublié de vous en parler, enfin, de cette distinction, de cette trilogie chaque fois. Je voyais l'autre fois, je ne suis pas du tout un fan de Fadel Amara, mais bon, c'était intéressant, elle était interviewée, et on lui disait, à plusieurs reprises, on lui a dit, mais vous, ils ne savent pas trop comment dire d'ailleurs, arabe d'origine musulmane, etc. Mais on m'en a dit, mais je ne suis pas arabe, je suis kabyle. Et les journalistes ont été très embarrassés, parce que ça n'entre pas effectivement, et pourtant c'est quand même un ministre, enfin, ou une secrétaire d'État de la République, et elle n'entre visiblement pas dans les cases mentales, qui ne sont même pas la pensée unique, c'est vraiment du. Et ça m'a frappé, parce que j'étais sensible. Effectivement, judéité, j'ai l'occasion de travailler un petit peu là-dessus parce que je suis lexicographe et en breton on a besoin de dire judéité tout à fait. Aussi. D'ailleurs, le monde arabe actuellement passe par une mauvaise période. Il est totalisant. Pourquoi ? Parce que ça s'explique historiquement, parce qu'ils ont reconquis à peine leur indépendance politique et par conséquent ils ont tendance à être totalisants et même totalitaires. Et de ne pas supporter qu'il y ait des minorités en leur sein. Et c'est vrai qu'ils gagneraient, je crois, ils gagneraient, le monde arabo-musulman gagnerait, au contraire, récupérer leur minorité. Moi, je viens de finir en Tunisie, et les fondateurs de la médecine tunisienne, c'était des juifs, des médecins juifs. La première chose qu'ont fait les gouvernements tunisiens, c'est de se débarrasser de ces médecins. Or, maintenant à Paris, parmi les grands noms de la médecine, c'est des juifs tunisiens. Alors, je dis souvent à mes amis arabes, vous voyez ce que vous avez perdu. Vous avez perdu le meilleur ophtalmo du monde, qui est Koskas. Vous avez perdu des gens qui s'occupent du sang, qui sont Ayad, je crois, ou Kayat. Josette peut peut-être m'aider, je ne sais pas. C'est ça. Vous avez perdu vraiment une fleur. Avec les médecins que vous avez éliminés, vous aurez pu avoir une faculté de médecine complète, clé en main, en quelque sorte. Donc, je crois que le monde arabo-musulman aurait intérêt à... Mais évidemment, l'histoire, c'est l'histoire. Pour le moment, il traverse une période d'exclusion des minorités. C'est comme ça. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Chacun de nous a des histoires de ce genre à raconter, qui sont à la fois... Vous savez, j'avais un très bon ami qui était Paul Sebag, qui est mort maintenant, il y a 2 ans. Paul Sebag avait été torturé, mais de manière atroce, par Vichy, parce qu'il était pour l'indépendance de la Tunisie à l'époque. Il était né et son père était français. les Tunisiens, mes amis Tunisiens, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas enroulé son contrat. Et Paul est mort de chagrin, pratiquement. Alors, vous voyez, c'est toujours les mêmes, cette même ambiguïté qu'il faudrait que le monde arabe dépasse. Et bien, ne croyez pas que... Je crois que mon travail, le travail du penseur, en général, entre guillemets, c'est précisément de dire les choses. Il faut les dire. Il faut les penser, il faut les dire. Sinon, à quoi nous servons? À quoi nous servons? À raconter à faire des livres. Nous nous servons à tâcher de démêler la vérité et d'oser la dire. Alors, moi, je suis pour l'indépendance des pays arabo-musulmans. Je ne change pas là-dessus du tout. Mais je leur demande de respecter leur minorité. Et si un jour vous prenez le pouvoir, de ne pas exclure les Normands. Ben c'est ce qu'on dit, c'est au traitement de la minorité qu'on reconnaît la vertu d'un pouvoir. C'est certain. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que finalement, vous dites des choses qui sont porte-à-faux avec tout ce qu'on enseigne aux étudiants, notamment aux doctorants. C'est-à-dire que, moi je suis en linguistique par exemple, mais c'est vrai aussi en littérature, puisque c'était mes spécialités, il faut d'abord, et ça vient particulièrement de la Sorbonne, mais aussi d'ailleurs, il faut d'abord avoir une théorie, et si possible un théoricien. Et ensuite, on décline ce qu'on a pu peut-être éventuellement observer, et donc on a des thèses qui sont des déclinaisons, qui n'ont aucun intérêt, il faut dire, sinon dans leur corpus. Et donc, effectivement, moi, je trouve que je suis tout à fait sensible à ce que mon avenir scientifique est derrière moi, mais bon, tout à fait sensible à ce que vous dites, parce que je crois, effectivement, je t'adhère tout à fait. Mais c'est dommage, on est dans la maison des sciences de l'homme, Bretagne, ici, c'est dommage qu'on n'ait pas les COG. J'espère qu'il y a des micros. Je vous plaisante. Parce que effectivement, ça va à l'encontre de tout l'enseignement supérieur, de tout niveau d'ailleurs, tel qu'il est conçu. Et donc, effectivement, même si vous le dites de façon très tranquille, je trouve que c'est tout à fait intéressant par rapport à ce qu'on peut constater de l'intérieur de l'institution. Et ça s'applique tout à fait aussi à ce qu'on peut appeler globalement la linguistique. Qui déborde bien sûr aussi sur les études de la parole et donc de l'écrit, de la littérature. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai vraiment trouvé ça. Et donc, un élément que vous avez parlé d'objectivité plusieurs fois, moi je. Donc, c'est un minuscule bémol. Je crois que l'objectivité aurait pu être éclatée aussi entre le réel et la subjectivité. Ce que un de mes collègues appelait la subjectivité dans les sciences humaines, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un effet d'éclatement du marxisme et d'autres schémas, mais dans beaucoup de nos sciences, entre guillemets, encore une fois, plutôt linguistiques, littéraires, etc., on a besoin de subjectivité et donc de duo, de dialogue, d'échange, etc. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, c'est plutôt une discussion, plutôt qu'une question, parce que j'étais vraiment très, très... Tout ce que vous avez dit, vraiment, m'a convaincu, et donc je n'ai pas de question. Sinon, c'est exact, je n'ai ajouté. Précision, vous avez dit tout à l'heure, juste qu'on trouve plus de vérité sur une époque dans la production romanesque, oui, que dans les essais. Vous avez cité un philosophe ou un littérateur pour cela. Pardon. Un historien ne peut pas se sûr. Vas-y Nathalie, je crois que t'as... Oui, moi je voulais vous questionner par rapport aux écrits littéraires que vous avez... Vous parlez un peu plus fort. Vous avez une différence question. Et je voulais savoir comment est-ce que vous percevez ces écrits. Est-ce que, enfin, de motivation, est-ce que c'est juste le plaisir de la fiction et d'écrire de la fiction? Est-ce que ça peut être aussi... Je vous entends mal, vous savez. Explicitement. Pour les écrits que vous avez faits, est-ce que c'est uniquement pour ce plaisir de la fiction et d'écrire de la fiction? Est-ce que ça contribue à la vulgarisation de vos écrits? Ou est-ce que même ça n'apporte pas un complément à vos écrits scientifiques, une manière de donner corps, enfin d'inscrire... de rendre plus vivant, en fait... Un complément à quoi? À vos écrits scientifiques. Des écrits littéraires par rapport aux écrits scientifiques. Ah ben, oui, c'est une bonne question. En fait, pourquoi je fais des romans en même temps, ou même de la poésie? C'est parce qu'il y a tout le côté émotif. Comment dire à une femme « je vous aime » par des concepts? Il faudrait des pages et des pages. Mais si vous trouvez une expression poétique qui enferme dans un condensé émotif, eh bien, elle a compris. Et donc, la poésie s'impose. Oui, c'est vrai que j'ai passé par les littératures tout à l'heure, de même que nous sommes obligés d'avoir recours à l'imaginaire. Vous savez, encore une fois, il faudrait qu'on passe 10 heures ensemble, hein. Une heure, ce n'est pas suffisant. Quand l'espèce humaine rencontre un problème, et on en rencontre tout le temps ce problème, tout le temps, faut-il aller sur la Lune maintenant, ou sur Mars, vous savez que c'est un problème que, quasiment à la veille de s'être résolu, hein. C'est, on va aller dans Mars dans 10 ans, hein. C'est fait, quoi. Bon, quelle attitude prendre vis-à-vis de la découverte de l'immensité de l'univers, par exemple? C'est un problème passionnant et même un peu angoissant. C'est-à-dire, nous avons l'habitude d'avoir cet univers clos que nous vivons, relativement clos. On a découvert la Lune, on va bientôt découvrir la Mars. Mais à côté de ça, il y a... Quand on y pense, c'est affolant. Alors, les réponses, soit techniques, quand les gens qui habitent le Nord, comment s'appellent les gens qui habitent les régions glacées, comment s'appelle? Les Inuits. Oui, enfin, les gens comme ça. N'avaient plus de quoi manger, ils ont inventé le harpon, qui fait un trou dans la neige, et ils attrapent les poissons comme ça. C'est une invention technique, une réponse technique. Hier, on a parlé à table du problème des voitures. Quel que soit le pessimisme de la pollution, tout ça qui est vrai, tout ça, c'est pas faux, mais je crois que ça va être résolu d'ici quelques années. Les voitures seront toutes électriques. Il y a beaucoup de chance. C'est au point, hein. C'est-à-dire c'est une question de... Donc le problème de la pollution par l'essence est pratiquement résolu, à mon avis. Il est certain que pour circuler dans Rennes, on n'a pas besoin d'avoir une Mercedes, c'est idiot. De dépenser des fortunes en pétrole, avec l'importation du pétrole, tout ça, alors qu'une batterie suffirait pour les villes moyennes. Pour les villes moyennes, c'est pratiquement résolu dans quelques années. Mais quelquefois, on n'a pas de réponse technique. On n'a pas. Par exemple, la roue a été une formidable invention de l'humanité, la roue. C'est la roue qui a permis de vaincre l'espace. Mais en attendant l'invention de la roue, on n'avait pas de solution. Vous sortez d'ici pour aller là où vous êtes, pour aller à pied. Eh bien, on invente une solution imaginaire, c'est-à-dire le tapis volant, par exemple. Donc, nous balançons entre la réponse technique adaptée et la réponse imaginaire. Et il y a un jeu constant entre les réponses techniques et les jeux. Et ça, à mon avis, c'est... ça continuera toujours parce qu'il y aura toujours des problèmes quasiment insolubles. Vous rencontrez ça dans l'éducation des enfants, dans le désir amoureux, dans, pas tout le temps, quoi. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Parce que, et c'est ça le rôle de la littérature. Vous comprenez ? Bon, on voudrait bien qu'il existe une femme idéale. Bon, comme nous savons que ça n'existe pas, et pas non plus d'homme idéal, eh bien, on en fabrique une. On fabrique une femme idéale qui a toutes les vertus, toutes les qualités, toutes les beautés, toutes les douceurs, toutes les tendresses, tout ça. Et donc, on a, c'est ça le rôle de la littérature. Et les arts, la littérature, finalement, c'est, je vous le disais au début, c'est ça le rôle. C'est pour ça que je continue à faire de la poésie. Vous pouvez vous étonner, effectivement, mademoiselle, que à la fois, je m'occupe toujours de ces problèmes théoriques, et en même temps, j'espère publier bientôt un recueil de poèmes. On n'arrive pas, les gens ne lisent pas les poèmes en France, vous savez. Je demande aux gens, est-ce que vous lisez des poèmes ? Non. C'est un luxe. Hein. Très peu de gens lisent. Ça se vend bien en Bretagne, la poésie. Comment ? En Bretagne, ça se vend bien, la poésie. Ça se vend bien ? Oui, oui, il y a un lectorat pour la poésie en Bretagne. Il tire autant en breton qu'en français, la poésie en français. Ouais. C'est vrai. Mais c'est quelques centaines. Oui, oui, c'est relatif. La littérature et l'art servent effectivement de réponse imaginaire à des difficultés réelles. Et nous en avons tout le temps. C'est pour ça que moi je ne crois pas à la mort de la littérature. Même avec la télévision. Je vous trouve très optimiste quant au progrès de l'humanité et de la littérature et des techniques aussi. Mais est-ce que, sincèrement, vous réclamez aujourd'hui, comme moi aussi je ne le verrai jamais, et d'autres aussi, de l'humanisme, de la rationalité et de la laïcité? Est-ce qu'on est vraiment une équipe d'avant-garde ou des dinosaures ou une espèce en voie de disparition? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas répondre. Je sais pas répondre. Vous savez, il faut avoir le courage aussi pour un penseur de dire que je ne sais pas quand on ne sait pas. Il ne faut pas croire qu'on peut répondre à tout. Il est certain que nous traversons, ça c'est vrai, dont nous en parlions hier soir, nous traversons une crise très grave, c'est exact, qui vient d'ailleurs en grande partie de la démographie. C'est vrai que la Terre est occupée par 6 milliards d'individus et bientôt par 8 ou 9 ou 10 milliards. Donc, quand on dit qu'on est en train d'user les ressources, et pourquoi ? Il faut donner à manger aux... C'est pas une l'avidité simplement, c'est simplement qu'il y a 10 milliards de gens à nourrir. Donc, fatalement, on va épuiser les ressources. Donc, nous traversons une crise grave. Mais, vous savez, il y a tellement eu de crises déjà dans l'histoire de l'humanité que peut-être que nous en sortirons quand même. Il y a eu aussi des régressions. Comment ? Il y a eu aussi des régressions. Il y a eu même des régressions, évidemment. Vous savez, lorsque il y a eu des épidémies, les épidémies. La peste a vidé l'Europe d'un tiers des habitants. On ramassait les morts dans les rues tous les jours. Ben, c'est fini, ça, quand même. Les femmes en Europe accouchent dans de bonnes conditions, heureusement. En Afrique noire, on continue à voir une femme sur quatre ou une femme sur cinq qui meurt en couche encore. Et vous savez, tout ce qu'on raconte sur les médicaments qu'on envoie et tout ça, c'est tout à fait minime. Il y a la mortinatalité et les décès en couche sont considérables. Et bien en Europe, c'est fini quand même. La variole a été éradiquée. La tuberculose revient un peu, mais c'est vrai qu'elle a été... Donc, je ne sais pas répondre. Je crois qu'il y a une crise grave, l'homme des raisons, mais que ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise grave. Et peut-être que nous en sortirons quand même. Moi, je pensais surtout aux régressions dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre de la pensée. Et quand on songe à la formidable régression qu'a été l'abandon de la grande pensée grecque d'Épictète, dont vous parliez tout à l'heure, pour être remplacé par quoi ? Par des religions, et il a fallu combien de siècles pour commencer à se sortir de là. Donc la régression, et quand on voit le retour de la religion aujourd'hui, moi c'est ce qui me terrifie, littéralement. Le retour du Moyen-Âge, c'est ce qui me terrifie. Vous touchez chez moi un point sensible, vous avez raison. Je crois que je n'ose pas le dire beaucoup, mais le judéo-christianisme a été catastrophe dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. Mais par ailleurs, c'est l'islam n'a rien arrangé. Il y a des problèmes moraux. Il y a un problème moral quand même. C'est-à-dire, c'est par contre, on assassinait facilement à l'époque. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'histoire. On assassine quand même, mais enfin, on y met des formes. Donc il y a du progrès. Mais c'est vrai que, au point de vue philosophique, la pensée grecque était, la sagesse pratique était supérieure. Vous savez, quand on parle avec un rabbin aujourd'hui, il vous dira c'est Dieu qui l'a voulu. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas le suivre. Donc ça, je pense comme vous, mais enfin, comme c'est plutôt de l'ordre de l'opinion que de la réponse là. Il y avait une première question là, je crois, oui. Oui. Je vous remercie pour votre intervention. J'aurais voulu faire une remarque et poser une question. La remarque, c'est par rapport à la partie de votre œuvre sur la dominance. Je voulais vous dire que je travaille sur les Indiens d'Amérique et j'ai l'occasion de recevoir des étudiants indiens. Je voulais vous dire qu'ils sont vraiment des lecteurs très intéressés et qui tirent beaucoup parti de vos écrits sur la dominance. La question, c'est plutôt autour de votre partie, de votre œuvre sur la dépendance. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion de lire les textes anglo-saxons sur les théories du care. On a du mal à traduire en français cette notion du care. Ah, je ne sais pas si on peut dire le soin ou le souci des autres. Mais il y a un certain nombre de textes, de femmes en particulier, états-uniennes, qui me semblent être assez en phase, avec beaucoup de différences quand même, mais qui sont dans cette préoccupation dans laquelle la dépendance est plutôt envisagée comme la dépendance entre les hommes, hommes et femmes, plutôt que dans la dépendance addiction, qui serait plutôt une dépendance à des substances ou à des... etc. Donc je voulais savoir si vous avez eu l'occasion et si ça pouvait... Non, je n'ai pas lu spécialement, je ne m'intéresse pas spécialement. Moi, ce qui me sépare de l'empire anglo-saxon, c'est cette histoire de l'addiction qui a beaucoup de succès. Même en France, mes collègues médecins parlent d'addiction. Alors, il faut débarrasser les gens de leurs addictions. Et les gens vont voir un médecin, un psychiatre en particulier, pour qu'il les lave de leur addiction, enlever le tabac, l'alcool, tout ça. Et moi, je pense que c'est un concept insuffisant. J'ai repris le terme de dépendance parce que dans la dépendance, il y a de l'addiction. Mais dans la dépendance, il n'y a pas que de l'addiction, il y a aussi des choses positives. Après tout, les gens qui fument trouvent plaisir à fumer. Bah, donc, il n'y a pas que le côté négatif. Donc, non, je n'ai pas spécialement intéressé par la pensée anglo-saxonne, enfin anglo-saxonne, les quelques penseurs là. Je ne suis pas d'accord avec le succès actuel. Il y a deux termes d'ailleurs qui ont du succès. Il y a l'addiction et puis il y a assuétude, qui est encore pire, parce que l'assuétude, c'est vraiment être prisonnier de quelque chose. Bah, oui, c'est vrai que les gens qui fument sont prisonniers du tabac, mais les gens qui fument trouvent du plaisir à fumer. Donc pourquoi supprimer cet aspect de la dépendance ? Francis, je crois que tu avais une question. Oui, c'est à propos des Grecs. On discute des Grecs. Moi, j'aime bien beaucoup la philosophie grecque, mais Bergouniou, l'écrivain, l'autre fois, que j'entendais brillamment, disait que finalement, c'était quand même la pensée d'un tout petit groupe qui avait des esclaves de toutes les façons, notamment les femmes, et que ça ne correspondait en aucune manière à la société. Et finalement, c'est peut-être ça qui explique aussi, c'est une régression peut-être pour une caste, mais ce n'est pas sûr que c'était une régression pour les esclaves. Donc moi, je ne suis pas du tout l'homme des trois monothéismes, mais finalement, c'était une philosophie de tour d'ivoire. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je vous livre les réflexions de Bergugno, qui lui, apparemment, l'était, et qui m'avait intéressé. Bergugno, le littéraire. La question n'est pas là, c'est de savoir si Platon avait des esclaves. Il parle d'une régression dans l'ordre de l'intelligent qui n'a jamais été que le partage d'un tout petit nombre d'individus de toute façon. Ça concerne 3% d'une population, les gens qui pensent par eux-mêmes, et les philosophes, c'est les gens qui sont censés penser par eux-mêmes. Et je soutiendrai jusqu'à mon dernier jour qu'il y a une régression fantastique entre la pensée grecque, mais on pourrait aussi parler de la pensée chinoise de Confucius et du bouddhisme par rapport à ce qu'il a remplacé, ces abominables religions monothéistes qui ont produit des catastrophes absolument épouvantables et qui continuent à en produire. Oui, là, vous savez, c'est un problème qui demanderait également une séance entière. On ne peut pas tout régler. Le monothéisme correspondait peut-être, à l'esquisse d'une unification socio-historique des sociétés. Comme la société, il y avait le système de cité. Chaque cité est close relativement. Il y avait Athènes, Sparte, etc. Et à un moment donné, ça n'était plus vivable. Parce que c'est la guerre entre elles, d'ailleurs. Et donc, on commençait à avoir... Et puis ensuite, il y avait la foule des esclaves, justement, partout. Et donc, on commençait à avoir l'intuition d'une société plus unifiée. Et c'est à ce moment-là, c'est pas par hasard. Ça, je sais pas, c'est de l'opinion. C'est pas une démonstration scientifique. Il est possible que le judéo-christianisme est venu à temps pour répondre à cette aspiration. C'est-à-dire, d'ailleurs, Saint Paul, non, vous ne croyez pas. Non, mais ça, je ne vous contredirai pas, je ne sais pas. C'est plus des intuitions de travail que des... Saint Paul disait que c'est Saint Paul qui a voulu que... il n'y a pas que les juifs, il y a aussi les non-juifs. C'est lui qui a transporté, qui a changé la circoncision au baptême. C'est-à-dire, en fait, de l'étendre à tout le monde. Il y a là quelque chose de passionnant à faire un jour sur... Bon, vous n'en voyez que le côté négatif, bon, pourquoi pas, les femmes. Même le négatif s'explique. Chez les stoïciens, la grande pensée stoïcienne, il y avait l'idée de l'universalité de la nature humaine, de l'université. Et la civitas romana a été étendue à l'ensemble des sujets de l'Empire romain. On était déjà sur la voie de l'unification. Oui, mais ça n'a pas marché. L'Empire romain a éclaté. Oui, les barbares. C'est barbare, ça n'a pas marché. Et qui était sujet? Le fait est qu'il y a régression. Et les femmes n'étaient pas dans les femmes, ni les peuples sur lesquels on s'installe. Ah, parce qu'elles le sont dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam. Il n'y a eu absolument aucun progrès sur aucun plan. Si il a peut-être davantage de respect de la vie humaine individuelle, c'est possible. On tue moins quand même. Oui, mais il a fallu attendre le 18e siècle. Tant que le christianisme a régné en maître en Occident, il a de nouveau, la vie humaine ne valait pas cher. La vie humaine est devenue moins importante par rapport à la religion. C'est exact. Écoutez, comme je vous l'ai dit, il aurait fallu qu'on fasse comme les péripatéticiens, c'est-à-dire pas pour les putains, au sens de promenade. Vous savez que l'école d'Aristote était péripatéticienne, c'est-à-dire qu'il se promenait, il faisait de la philosophie en marchant. Mais il faut disposer de ça plusieurs heures. Donc, on va arrêter parce qu'il faut arrêter, parce que tout ça... comme je l'ai dit à notre ami, au fond, je vous ai pas apporté des vérités définitives, je ne crois pas de moi-même aux vérités définitives, plutôt des pistes de réflexion. Et si j'ai pu, le moins du monde, vous a proposé quelques pistes que vous reprendrez à votre vous-même, eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, le repas, c'est en face, juste en face, au Café Lef, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Café Lef, en face. Fait.